بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في باب المرفوعات من الأسماء، وأخذنا منها المبتدأ والخبر، ثم أخذنا بعضهما نواسخهما، ce qui abroge le رفع du مبتدأ du خبر. وذكرنا أن هذه النواسخ على ثلاثة أقسام، أن كان وخواتها، هنا إن وخواتها كنا قيّع. Et kana, c'est quoi le amal? Tarfa' al-ism ou tansib al-khabar? Ou inna, c'est quoi le amal? Ou akhawatouha? Tansab al-ism ou tarfa' al-khabar? Naam. Tarfa'. Tayyib. Ma ya inna ou akhawatouha? Inna wa anna, wa lakinna, wa ka'anna, wa layta, wa la'alla. Naam. إن وأن لأي معنى؟ توكيد. لكن نعم استدراك. استدراك نعم. وكأن تشبيه. وليت تنادي. ليت لا تمني. تمني وتوقع. ايوه في التوقع في لعل ليس في ليت. نعم. طيب ثم ناخذ الان القسم الثالث. خوزيام ناسخ. وهو ظن وخواتها. ظن وخواتها. ظن بمعنى ظن جو بونس. قال المصنف رحمه الله تعالى في الاجرميه. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنسب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. Donc là, dans le matin, il a cité ظننت qui est là-bas ظن accroché au damir muttasil et tout, damir tel fa'il, et ses sœurs. Thumma, qala fi sharh, zakara musannifu rahmallahu ta'ala annu' al-thalith min al-nawasikh, troisième forme de nawasikh. Wa ya dhanna wa hasiba wa khala wa za'ama wa ra'a wa alima wa wajada wa attakhadha wa ja'ala wa alima. تنصب الاسم والخبر على انهما مفعولان لها. Donc tous ces verbes là, ظننا qui veut dire penser, حسبه وخال كذلك, زعما c'est le fait de prétendre une chose, رأى c'est le fait de voir, بلا c'est une رؤية قلبية ولا بصرية. Car si ça avait été بصرية, ça aurait été un seul مفعول. Là il y en a deux. علم كذلك, le fait de savoir, وجد trouver, mais pas comme trouver un objet. Trouver une situation, je te trouve malade. Mathalan, c'est le معنى. واتخذ, se procurer. وجعل, يعني سيّر, faire devenir. مس حسب وظن. Donc le عمل, c'est quoi? C'est que le خبر, le مبتدا, les deux vont devenir منصوب et les deux vont devenir des مفعول. تو عمفول أول وما فول ثاني. مثالها مثلا انت تقول زيد منطلق، ستقول زيد مبتدا منطلق خبر، تمام؟ اذا دخل ظننت واخواتها عليهما تقول ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا منطلقا. فالان ظننت هذا فعل ماض ناس ناسخ مبني على السكون لاتصاله بالضمير. واتو ما اعربتو ضمير متصل مبني على الضم في محل عرف فاعل. احسنت. لا يوجد اسم. لا لا Là, il n'y a plus d'ism. Là-dedans. Là, le ta, là, c'est un fa'il. Adi. Car le mutadal et le khabar sont devenus maintenant deux maf'oul. Ça veut dire quoi? Zaydan. Zanantou Zaydan mutadika. Zaydan, tu as maf'oul, awwal. Mansoub. Bizanna. Wa alamatu nasbihi. Al-fatha. Al-zayra al-akhirihi. Wa mutadika. Maf'oulun thani. Mansoub. Bizanna. Wa alamatu nasbihi. Al-fatha. Al-zayra al-akhirihi. Hein? لكن هذا لابد من فلين قال وظن وخواتها على ثلاثة أقسام هو أنواع أفعل تفيد الظن donc ce sont les trois catégories maintenant certains qui un sens de pensée d'opinion de ressenti ou plutôt non d'opinion de pensée ou de croyance ça n'est pas cool. وأي أولا سيكوا سبب ظن وحسب وخال وزعم كلها تقريبا بمعنى ظن elles ont un sens de pensée تقول مثلا ظننت الفجر قريبا j'ai cru le fajr était proche ou je crois que le fajr est proche حسبت العمل شاقا je pensais que le travail était dur مثلاً خيلت شجرة مثمرة. Je pensais que l'arbre était, elle apportait des fruits. نحو زعمت السفر سهلة. J'ai prétendu que le voyage était facile. Alors on prétend là ظننت. Prétendu une chose que je pensais, mais tel n'était pas le cas. فهمت هذا؟ Car des fois, ça peut avoir un autre sens. Avoir un autre travail. Ça veut dire, « Hel zaydun mawjoud ?» Cette nuit-là, tu dis, « Ma'avun. » Je ne pense pas. Là, ça ne rentre pas dans ce bab-là. Il n'y a plus de maf'oul. Avahu. Des choses que tu penses. « Thumma af'al tufidu al-yaqin. » Le contraire. « Waya ra'a. » وعلم وجد وهذه الان بمعنى قلبي افعال قلبيه نحو رايت الحق منتصرا جيك لا فيريتي تي سكوري alors que raa al-basriya ce qui dit la vision elle a pas de mafoul elle en a un seul تقول رايت البيت j'ai vu la maison اما هذا هنا raa معنى علم C'est une vision basée sur la science et sur une chose du cœur. Pas une vision simple des yeux. Comme ta'ala. Un exemple en français, tu vas dire, je vois, on va dire, il y a une voiture là-bas, tu la vois, tu dis, non, araha, je vois la voiture. D'accord ? Ça, c'est une vision de quoi ? Des yeux. Vision optique avec les yeux. Maintenant, tu dis une parole et je dis, je vois que tu as raison. Est-ce que c'est la même vision? C'est pas la même. C'est-à-dire, j'ai pour croyance que tu as raison. J'ai compris que tu as raison. Mais là, c'est pas pareil en arabe. وقال علمت وصدق منجيا. J'ai su que la vérité faisait réussir. وَنَحُ وَجَدْتُ الصَّلَاحْ سِرْ النَّجَاحْ J'ai trouvé que la réforme était le secret de la réussite. Donc ça, c'est le deuxième qism. أَلَّتِي تُفِدُوا الْيَقِينَ أَلَّتِي تُفِدُوا الْيَقِينَ وَهِيَا رَأَى وَعَلِمَ وَوَجَدَى هي أفعال قلبية يقول هكذا أفعال قلبية وثالث أفعال تفيد التحويل والتسيير وهي اتخذ وجعل يعني que tu as fait qui a un sens de transformation مثلا تقول اتخذ مثلا اتخذت الأمين صاحبة j'ai pris Al-Amin, personne de confiance, comme ami. Ou, wa ja'ala, le fil ja'ala, ja'ala, il a plein de sens aussi. Minha hada. Ja'altu a khashaba baba. Dans le sens, j'ai fait du bois une porte. On traduira comme ça. J'ai fait du bois une porte. Et là, dans ce verbe-là, t'en as, ils ont dit que le Coran est le makhlouq par rapport à ça. Par rapport à ce verbe-là. Mais ça, on en parlera plus tard, c'est dans ce cas-là. Confondre entre ja'ala qui m'en a khalaqa, aoujada, et ma'na ja'ala qui m'en a sayyira, faire devenir. Une chose. Ce n'est pas les mêmes. Il y en a la deux mafouls, et tu en as. Kafikullah Azawajel, Alhamdulillah, l'azi khalaqa samawati wal ard, wa ja'ala dhulumat wal nour. L'ange à celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a créé, qui a fait venir la lumière et les ténèbres. Là, c'est dans le sens créé. Pourquoi ? Wa ja'ala dhulumat wal nour. Il y a combien de mafouls là ? Il y en a un seul. وَجَعَلَا الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Là, le waouh, le nour, il vient après waouh, c'est pas un deuxième mafoul, c'est un martouf. Comme tu dis, Allah, ja'ala al-insan, مثلاً. Hey, خَلَقَ al-insan, أَوْجَدَ al-insan. الظُّلُمَاتِ جَمُّ أَنَثْ سَالِمْ مَنْصُوب. Et, إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Ils ont dit, bah voilà, Allah il a créé le Coran. Il dit, là, non, là, c'est Ja'ala, ma'ana sayyara. La deux mafoul, c'est pas le même Ja'ala, c'est pas le même sens. Donc, imtabihu ila hadha. Encore un tabi pour dire que les gens qui disent la langue arabe, le plus important, c'est apprendre la langue arabe, même chez n'importe qui, ben voilà, tu vas aller chez quelqu'un, la langue arabe, il va te mettre la choubouette, et tu vas dire que le Coran il est makhlouk. Pourquoi ? Tu n'auras pas compris la différence entre Ja'ala, ma'ana awjada wa kharaka, ou Ja'ala, ma'ana sayyara. Tu vas te faire avoir. Donc la langue arabe, il faut même l'apprendre chez les gens qui sont fiables. Et parmi les plus grandes portes de garment pour les gens, elle a le juhel, elle l'aura, elle a l'arabia. Tamam. Car elle attire des gens qui ne connaissent pas. Et les gens du légarement sont très forts en arabe. Car c'est un grand moyen d'attirer les gens vers eux. Et en plus, là où Asab Lissan, tu parles. C'est-à-dire que les gens, tu les attires avec ton beau parler. Donc là, ça les attire. Et après, ils se font prendre. Non. Quand elle est, في الآخر دابا اون بوني يعرب جعلت الخشبة بابا مثلا جعل أدافير ماضي ناصخ مبني على السكون تمام لا محل له من يعرب وتاء يعرب التاء ضمير متصل نعم مبني على الضم في محل الرفع فاعل احسنت الخشبة المفعول الأول نعم المفعول الأول منصوب ب منصوب بالفعل ومنصوب بجعل بالفعل منصوب بالفعل وعلامة نصب وعلامة نصبه الفتحة على آخره الظاهرة على آخره نعم بابا المفعول الثاني منصوب منصوب بالفعل بجعل بالفعل وعلامة نصبه الفتحة على أحسنت قال إذن المتن المصنف قال وسمعته في الآخر قال بعد جعلته قال وسمعته قال الشارح وعد ابن أجروم من هذه الأفعال الناصبة للمبتدا والخبر سمعته تابعا لبعض النحويين نحو سمعت زيدا يقول وهو رأي ضعيف والمعتمد عند الجمهور أن جميع أفعال الحواس التي هي سمع وذاق وبصر ولمس وشم لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وكما أجرومي لم يلو فيرب سمعت فمي سيفيرب لا مثلا نقول سمعت Zaydan yaqul. J'ai entendu Zayd dire telle chose. Ils ont dit que la phrase Jumla Firliya yaqul ayhuwa في محل نصب مفعول ثاني. Il se dit comme ça. Et ça, c'est un avis qui est faible. Car ce qui est connu chez les jumhur des ulama dans le nahu, c'est que tous les verbes des sens, qui sont samia, entendre, dhaqa, goûter, absara, voir, lamisa, toucher, shamma, sentir, n'ont qu'un seul maf'oul et non pas deux. Et en réalité, yaqul, cette jumla-là, fi'liya, elle est fi mahal nasb, hal. Pour l'instant, tu n'as pas encore appris le hal, ça viendra plus tard, inshallah. Et en réalité, on lit l'ob. Quand tu as coupé, Salen, ça met au Zaydan qa'ilan. Le hal, ça vient dans le monde soubat, inshallah. Pas maintenant. Mais la phrase, yaqul, fi mahal nasb, hal. C'est une règle. Une phrase qui vient après un ism ma'rifa, elle sera fi mahal, en fonction du ism, elle sera un sifa de ce ism. Et si elle vient après un ism nakira, elle sera hal. Pour l'instant, c'est pas encore assimilé parce que tu n'as pas encore appris le sifa ni le hal. Après, inch'Allah, qu'on en parle. Mada. Le hal. Non, le hal, les mansoubat. Le sifa, ça va venir dans le tawabir, dans les prochains boîtes qu'on va prendre, inch'Allah. Et il y a d'autres verbes qui ont deux mafoul. D'accord? D'autres verbes qui ont deux mafoul. Mais ils ne rentrent pas dans ce verbe-là des nawasikh. Masalan talfir, a'ta. Je veux dire donner. A'taytu zaydan qalama. J'ai donné à Zayd un qalam. Est-ce que le os, c'est mouton un khabar? Tu dis Zayd qalam? Ça n'a rien à voir. Ils ont deux mafoul, mais ils sortent des nawasikh. Car ils ne sont pas entrés dans mouton un khabar. Ça n'a rien à voir. Ceux-là, ils sont khas lienna ha dakhalat ala mubtala'in wa khabar. Ils ont changé leur hukm. C'est autre chose. Maintenant, t'as cool. Ja'altu al khashab baban. C'est quoi la base? Al khashab bab. Le bois est une porte. Hada. Ou, ittakhastu al amin sahib. T'as cool, al amin sahib. C'est de confiance est un ami. Et ces autres verbes-là, laysat min hada al bab. Donc là, ce n'est pas tout verbe qui a deux maf'oul qui prend ce hukm-là. Ça, c'est khas pour ceci. Taïb, on va prendre quelques tamarines vite fait, à la fin. Yakul ayen al-afal al-nasikha fil ayat al-atiya wa bayen maf'oulay kulli fi'al al-minha. Dans les versets-là, tu dois trouver le fi'al qui est nasikh et ses deux maf'oul. Alam najalil arda bihada. De maf'oul, c'est ardo. Awalan fi'al, aina hu? Naj'al. Mana sayyara. Faire deux, en fait. Aywa wal maf'oulan. Ardo wa mihada. Naam. Wa wajdaka a'ilan fa aghna. Wa wajdaka a'ilan fa aghna. Fi'al. Fi'al, c'est wajdaka. C'est quoi le fi'al? Wajada. Kasse fa'il. Kasse fa'il. Non, le fa'il, il est mustatir. J'ai vu les chevals. J'ai vu les chevals. Ton erreur, elle est du même titre que quelqu'un qui dit j'ai vu les chevals. En français, on ne dit pas quelqu'un qui dit j'ai vu les chevals. On va dire tu n'as pas parlé, toi. Ouais. Ça, c'est khata fa'ish, il s'amène à kaza. Une erreur grossière. Wajadaka, ka. Où est-ce qu'on a appris que ka, c'est un fa'il dans les domaires? Non, le fa'il, c'est huwa. Non? Aïwa, et le ka, c'est quoi? Alors, Wassouel, ka, là, c'est quoi, là? Je t'ai vu, quoi. Il a vu. Il t'a vu. C'est quoi, le ka? Sahel. C'est quoi l'exercice qu'on fait maintenant, là? Maf'oul. Aïwa. Le kef, là, c'est maf'oul awwal. وثاني انه عائلا كما قلت le فاعل وجد c'est un verbe mustatir وجوبا ou جوازا جوازا هو احسنت انهم يرونه بعيدا cas-là, on a fi'al madi. On ne peut pas lire l'ordre. Juste, il nous dit c'est quoi le... Fi'al, c'est ça. Naam. Wa hu maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Maf'ul awwal. Maf'ul awwal. Naam. Wa thani. Ba'ida. Maf'ul thani. Aina al-fa'il. يرونه بعيدا من الفاعل الفاعل سنون لا لا j'ai vu les chevals attends سأل جدا يا سفيان تكلف لا تشرشارج il est devant tes yeux le فاعل تستصعب الامر انت c'est toi qui l'en difficile il est très facile. Il est devant tes yeux, le fa'il. Il est zahir, il n'est pas mustatir. Analyse bien le mot que tu as devant toi. Regarde chaque lettre. Barakallahu fik. C'est le waouh, naam. Et le noun, c'est aramat raf. Le noun de la fa'il est khamsa. Intabi. Yahsabuhum al jahilu aghniya'a. يحسب الفعل نعم سبا أين المفعول الأول هم نعم والثاني أين المفعول الثاني؟ رجع رجع إذا سبب العلامات تقول العلامات أيوة ينفتح دوك سي أغنية الجاهلو سيكو الجاهلو فاعل هذا تي كون لي حركات سي سال لي اعراب سي سال نحو من انت تا ان دوت لا تو دي او جو سي امبروي regarde les harakat à la fin si un raf après un fi'l c'est le fa'il c'est l'asl et si un nasb après un fi'l bah souvent ça va être un maf'oul ou ghayr zalika et là dans l'exercice qu'on veut on veut quoi les deux maf'oul faqat tu regardes bien les harakat avant de dire t'indiquer c'est ça le nahou exactement la haraka doit te dire c'est quoi le statut de l'i'rab du mot savoir qu'est-ce qu'il a. فهمت هذا فإلى هنا donc là aujourd'hui on a terminé les nawasikh qui était كان وخواتها عملها ترفع الاسم وتنصب الخبر on a appris إن وخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر on a appris ظننت وخواتها تنصب كليهما يعني المعمولين تمام المعمولين اللي هون لي دو منصوب لي دو سو دي مفعول وظننا واسسا هذا وغادي ندخل في التوابع ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.